La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, c'est que du début d'un projet... Qu'est-ce que vous me conseillez ? Jusqu'à la fin, l'on soit toujours bien accompagné. C'est terminé, madame. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseils, ateliers, livraison, pause, La paire vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Écrire l'histoire populaire et sensible de la guerre d'Algérie. Le 20 mars 1962, le grand quotidien régional d'information, l'Alsace. Titre en grosses lettres, cessez-le-feu en Algérie, effectif depuis hier à midi. Les deux premières colonnes nous apprennent que l'Assemblée nationale et le Sénat ont été convoqués ce matin en session extraordinaire pour prendre officiellement connaissance des accords d'Évian. Deux autres colonnes, grève générale à Alger et Oran. Et enfin, les deux dernières colonnes, pour nos enfants, la paix en Algérie, liesse, deuil, inquiétude, comment transmettre une histoire aussi sensible. Sylvie Thénault, bonjour. Bonjour. Vous publiez Les ratonnades d'Alger 1956, une histoire de racisme colonial. Ce mot, ratonnade, revenons dessus. Ce n'est pas rien, historienne que vous êtes, de choisir un mot aussi fort comme titre d'un ouvrage. J'ai beaucoup hésité avant de le choisir, parce qu'il inclut une insulte raciste absolument abjecte que je n'ai pas envie de prononcer ni d'entendre. Mais après bien d'hésitations, je l'ai retenu parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de meilleur terme pour désigner des violences racistes qui visent précisément ce qu'on appelle aujourd'hui les Algériens et à l'époque les musulmans dans la société coloniale. Donc... j'ai fini par l'adopter et j'ai eu d'autant moins de scrupules à le faire que en 1961, après les fameuses la fameuse répression du 17 octobre 1961, il y a des anticolonialistes, Paulette et Marcel Péju, qui avaient écrit un livre s'appelant « Ratonnade à Paris ». Donc il y avait pour moi une allusion à cet ouvrage et une forme d'hommage et je me place dans leur continuité. Justement, c'est une question de continuité, une histoire de racisme colonial. Quand nous évoquons la guerre d'Algérie, d'un point de vue franco-centré, il y a un début en 1954. Du point de vue algérien, nous pouvons dire que ce début de la lutte commence en 1830, quand les Français arrivent. C'est une histoire coloniale. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Alors, je dirais pas que la guerre débute en 1830, même si je ne fais pas partie des historiens qui considèrent qu'il y a une période coloniale pacifiée. En fait, il y a sans arrêt, tout au long du siècle de domination, des formes de résistance. La guerre elle-même, elle commence bien en 1954. En revanche, là où il y a une histoire coloniale de la guerre pour moi avec ce livre, c'est que en fait, j'étudie la société coloniale en guerre. Je vais essayer de m'expliquer pour être clair. En général, quand on fait l'histoire de la guerre... on est focalisé sur l'affrontement armée-FLN, ce qui est une façon pertinente d'aborder la guerre, mais on perd complètement de vue la société coloniale, c'est-à-dire les Français d'Algérie et les Algériens, qui sont dans une situation particulière et pour moi qui est la dynamique profonde des ratonnades que j'étudie, c'est-à-dire que c'est une colonie de peuplement. 1 million de Français environ, 8 millions d'Algériens. Vous comprenez bien que cette société-là ne peut tenir que si les Algériens sont sans cesse infériorisés. Donc c'est une société qui est une société de la ségrégation, même s'il n'y a pas d'apartheid juridique. Dans la ville d'Alger, il n'y a pas des rues interdites ou des espaces dans lesquels on est contraint de résider. Mais il y a de fait... une infériorisation constante. Et même dans la ville d'Alger, j'étais très surprise dans mon enquête, mais je me suis aperçue que les contemporains, français comme algériens, savent très bien identifier les espaces de la ville comme étant des espaces européens ou musulmans, parce que c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et en fait, lorsqu'il y a des obsèques, les ratonnades dont je parle se passent pendant des obsèques, eh bien, lorsqu'il y a des obsèques et que les cortèges funèbres traversent la ville, pour peu qu'ils traversent un espace qui n'est pas spécifiquement le leur, ou qu'ils passent à proximité de l'espace des autres, il y a des violences, il y en a déjà eu avant, et particulièrement des violences d'Européens sur les musulmans, là encore pour reprendre les catégories de l'époque. Les ratonnades d'Alger 1956, une histoire de racisme colonial, c'est votre ouvrage, Sylvie Thénault, qui paraît au Seuil. Nous avons parlé de ce mot ratonnade dans le titre, nous avons évoqué ce racisme colonial. Il manque un élément, l'année 1956. Le problème algérien, devenu de première urgence, a amené à Alger le président du Conseil, M. Guy Mollet. Dans Alger, les magasins européens s'étaient fermés en signe de protestation contre la nomination du général Katrou et un important service d'ordre avait été mis en place. Et c'est dans une ambiance fiévreuse que le chef du gouvernement s'est rendu au monument aux morts. C'est là que les premiers incidents devaient éclater. Aussitôt après, devant le palais d'été, de nouveaux cortèges, où se reconnaissait un grand nombre d'étudiants, s'opposaient au service d'ordre. Au remous succédèrent les empoignades. On devait, le soir, dénombrer des blessés des deux côtés. Devant la violence de la manifestation, la police dut employer les grenades lacrymogènes. L'annonce de la démission du général Katrou arrivait enfin pour apaiser les esprits, et Alger retrouva son calme. Nous étions au début de l'année 1956, précisément le 6 février, dans le journal des actualités françaises. Sylvie Thénault, quand vous nous expliquez que certains quartiers sont identifiés selon certaines populations, mais cela n'apparaît pas dans les sources. Le travail de l'historienne, dès lors, est de chercher dans les archives, par le témoignage, ce qui n'est pas dit. C'est une autre manière d'écrire l'histoire et c'est essentiel pour aller au-delà de ce que l'on vient d'entendre. Un journal d'actualité. En fait, j'aurais voulu faire une histoire un peu précise et minutieuse, voire statistique, et j'aurais voulu en particulier retrouver les fiches de recensement de 1954 pour étudier précisément comment Européens et musulmans habitaient cette ville. Et je n'ai pas réussi à les retrouver. C'est assez compliqué, la question des archives, parce qu'au moment de l'indépendance, il y a des dispersions, il y a des destructions. Je n'ai pas retrouvé ces fiches de recensement, mais heureusement pour moi, il y a un géographe de l'époque qui a fait le travail. Et il a travaillé sur ces fiches de recensement. Et ce qu'il démontre, c'est qu'à Alger, il y a deux quartiers très nettement identifiés européens pour l'un, musulmans pour l'autre. Ce sont les bien connus Bab el Oued et la Casbah. Et que pour le reste, on peut avoir une impression de mélange. Il dit qu'il y a un véritable habitat d'Arlequin, parce qu'il n'y a pas de rue dans lesquelles il n'y aurait pas de musulmans habitants. Mais que d'un autre côté, il parle d'une cohabitation qui se fait suivant le modèle de l'huile et de l'eau, c'est-à-dire qu'on se touche, mais dit-il, on ne se pénètre pas, ce que j'ai trouvé assez savoureux, sachant qu'on a affaire à une société dans laquelle les mariages dits mixtes sont extrêmement rares. Mais en tout cas, cette ségrégation, les contemporains la voient. J'ai aussi utilisé comme source des chercheurs qui ont fait une étude sur les bidonvilles, et qui, eux, parlent d'islamisation de la ville, parce qu'on est dans un contexte où la misère est extrêmement sévère et chronique dans les campagnes algériennes, donc il y a un exode rural important. C'est aussi pour cette raison qu'il y a des immigrés algériens en métropole. Et donc, la population dite musulmane à Alger est en forte croissance du fait de cette misère. Et les bidonvilles sont également en développement depuis l'entre-deux-guerres. Et donc, entre ces bidonvilles qui forment des espèces de poches perçues comme menaçantes, où on ne sait pas trop ce qui se trame, mais où il serait à peu près clair quand même que les indépendantistes y trament moult attentats. Et puis de l'autre, la Casbah, il y a une réalité sociale. En fait, c'est une société dans laquelle le social et le racial se superposent. C'est-à-dire que la stratification des revenus place les musulmans dans les couches les moins riches et je dirais même les plus pauvres de la société. Et donc, il y a une superposition du critère de profession et de revenu et du critère d'appartenance à cette société musulmane, dite musulmane. Si je peux ajouter un dernier point, je voudrais insister sur un point fondamental à mon avis également pour argumenter de cette ségrégation. C'est qu'en fait, les sociétés coloniales, de façon générale, et l'Algérie n'y échappe pas, ce sont des sociétés dans lesquelles les humanités, les hommes et les femmes, sont catégorisées, hiérarchisées et de façon extrêmement rigide. En fait, je suis moi-même gênée depuis le début quand je vous parle de dire européens et musulmans sans arrêt. Moi, comme historienne, je n'ai pas envie de qualifier les humains de cette façon. Sauf que dans cette société-là, c'est de cette façon que l'on est montré, que l'on est perçu, et c'est aussi de cette façon que l'on s'auto-identifie. Donc il y a bel et bien une société qui s'organise suivant des catégories extrêmement rigides et surtout, je le répète, hiérarchisées avec cette infériorisation permanente des dits musulmans. Encore une fois, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque. La nécessité du travail de l'historien, de l'historienne, mais aussi des chercheurs contemporains. Le géographe que vous avez utilisé, Pelletier. C'est Jean Pelletier, qui publie un essai sur Alger dès 1955. Et avec ce témoignage que nous avons, mais c'est une analyse, vous arrivez à reconstruire autour de cette année-là un moment d'intense violence, ce sont les ratonnades. Oui. Qu'est-ce qui conduit en 1956 à ce qu'il y ait ce passage à l'acte, cette violence ? Alors, il y a globalement cette société coloniale, je ne le répète pas, il faut maintenir les Algériens dans la violence. Il faut, je parle du point de vue des Européens voulant maintenir l'Algérie française, les cantonner dans leurs espaces. On refuse qu'ils puissent s'étendre dans la ville et prendre possession dans la ville. Mais il y a un événement déclencheur qui est un attentat contre quelqu'un qui s'appelait Amédée Frogé. Et Amédée Frogé, en deux mots, c'était un monsieur très âgé, qui avait 74 ans, qui était maire de Boufarigue depuis l'entre-deux-guerres, élu au Conseil général, élu à l'Assemblée algérienne, qui est un parlement local depuis 48. L'Assemblée algérienne, elle a 120 membres. Vous en avez 60 élus du premier collège, donc en gros représentant le million de Français, 60 élus du second collège représentant les 8 millions d'Algériens. Amédée Frogé, c'est un leader de l'Algérie française. Il joue un rôle très important dans les événements que votre sonde tout à l'heure évoquait, la venue de Mollet à Alger. Il fait partie de ces élus locaux qui refusent toute évolution éventuelle du système colonial. Vous comprenez bien que les deux collèges que je viens d'évoquer, eh bien, si on y met fin, c'est la fin pour eux de leur suprématie. Hein. Donc, il y a des mobilisations en Algérie tout au long de l'année 1956. D'une part, on pense que le gouvernement parisien n'a pas une volonté ferme de réprimer les nationalistes. Alors, pour nous, ça peut sembler étonnant parce qu'on sait que 56, Guy Mollet, c'est les pouvoirs spéciaux, c'est l'envoi massif du contingent. Et donc, c'est vraiment un moment de renforcement de la guerre. Il n'empêche que pour des élus comme Frogé, ce n'est pas suffisant. Et puis surtout, ils craignent des réformes de l'Algérie qui iraient dans un sens de l'égalité et qui leur feraient perdre leur suprématie. Donc Frogé, c'est un leader de l'Algérie française. Il est très connu, très suivi par les renseignements généraux, ce qui m'a beaucoup servi de faciliter la tâche, parce qu'en fait, il y a quantité de rapports qui suivent son activité. Il présidait la Fédération des maires. Et le 28 décembre 1956, Amédée Frogé est tué dans un attentat nationaliste dont il semble que ce soit plutôt le MNA que le FLN qui l'ait commis. Et les ratonnades ont lieu lors de ses obsèques le lendemain. MNA, FLN. Oui. Il faut peut-être que j'explique. Voilà. Le mouvement national algérien est un mouvement qui a été fondé par Messali Hadj, qui est le leader historique et charismatique de l'indépendantisme algérien. Le Front de Libération Nationale, il est fondé en 1954 pour lancer la lutte armée. Et pour Messali Hadj, la fondation du FLN, c'est une sorte de coup d'État contre sa personne. Lui fonde le MNA. Donc le MNA et le FLN sont deux organisations rivales. Nous savons aujourd'hui que le FLN l'a emporté. En 56, à Alger, le FLN l'a probablement déjà emporté, mais le MNA résiste dans certaines poches, en particulier dans un bidonville qui s'appelle le bidonville de Mayedine, où l'attentat contre Froger a été organisé. Et dans cette histoire, dans cette écriture d'une histoire sensible, il y a les sources, bien sûr, il y a tous ces travaux que vous évoquez, Sylvie Thénault, et puis il y a le témoignage. Dans mon quartier, en ce qui me concerne, la lutte antiterroriste est née comme un patronage. Et j'insiste sur ce terme. C'est né dans une paroisse. C'est né avec des camarades de l'école primaire, avec des camarades de l'école de la rue Franklin et des camarades de l'école de la place Lelièvre, parce que je suis allé à l'école communale. Il est très important que la population française d'Algérie se rende compte, et en particulier dans notre quartier, qu'il y a une organisation occulte qui peut, du jour au lendemain, faire aussi bien, mettez-le entre guillemets si vous voulez, que le FLN, dans le domaine de l'expression méchante d'une volonté de rester. Il fallait que cette peur existe des deux côtés. C'est un petit peu ce que le cardinal Saliège avait dit quelques mois plus tard à Toulouse en disant « il faut que la peur change de camp ». En 1987, sur France Culture, Jean-Claude Pérez, qui est médecin à Bab El Oued, évoque cette terreur à Alger. Ce témoignage, parmi tous ces témoignages, est aussi une mémoire, est aussi une lecture, Sylvie Thénault. Comment prendre en compte tous ces témoignages au moment d'écrire cette histoire ? C'était une vraie difficulté pour moi et en fait j'ai fait un choix assez radical qui était de limiter les témoignages parce que d'abord mon premier objectif comme historienne concernant un événement méconnu, les ratonnades étaient totalement absentes de l'historiographie sauf quelques mentions ponctuelle, j'avais d'abord un objectif de reconstitution des faits. Et là, lorsque vous allez chercher des témoignages, bien évidemment, c'est normal, vous n'en trouvez plus beaucoup d'abord s'agissant de 56, et deuxièmement, vous trouvez des faits forcément revisités et déformés, mais moi, ça n'était pas mon objectif, c'était pas la mémoire. En revanche, l'extrait que vous avez cité est intéressant pour moi, parce que c'est par ce type de témoignage, mais vous savez, les témoignages, ça peut être aussi écrit à l'époque, que l'on se rend compte de ce que la ségrégation que j'ai décrite produit comme rapport entre les populations. Là où je suis toujours un petit peu gênée sur la question du sensible, c'est que je n'ai pas fait une histoire des émotions. Je n'explique pas les ratonnades par la psychologie collective. Moi, c'est pas mon outil de travail, la psychologie collective. Je me définis plutôt comme une historienne du social, une historienne de la société. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à la société composée en catégories rigides, avec cette infériorisation permanente des Algériens. Et du côté des Français, on peut évoquer l'émotion, la peur. On me dit parfois dans les débats, oui, mais il y a eu l'attentat. Donc vous comprenez, c'est une réaction post-attentat. Et ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que je pense que les attentats de 2015 ont certainement renforcé l'idée que les attentats jouent un rôle, y compris lorsque, d'une certaine façon, en représailles, les Européens auraient commis des ratonnades. Sauf que j'objecte un argument, parce que bien sûr, c'est une question que je me suis posée dans l'écriture. Les ratonnades n'ont pas lieu dans la foulée de l'attentat. C'est-à-dire que le processus n'est pas que Froger est tué, la nouvelle se répand, les gens sortent de chez eux, mus par l'exaspération, la colère, la peine, tout ce que vous voulez, et s'en prennent à des musulmans dans la rue. Non, c'est 24 heures après. Donc il y a un autre élément, même si je veux bien prendre en compte les effets des attentats sur les Européens, il y a un autre élément qui est aussi la mobilisation politique. Et je vous remercie du coup d'avoir diffusé cet extrait là du 6 février 56. Toute l'année 56, il y a des mobilisations pro-Algérie française et ces mobilisations réclament la répression accrue des Algériens, en particulier l'exécution des condamnés à mort. Et donc, il y a bien une logique de violence propre à l'Algérie française qui consiste à vouloir d'une certaine façon prendre son sort en main dans l'idée que les autorités n'agissent pas avec efficacité, eh bien c'est à eux de prendre la rue. Et il y a aussi beaucoup de complots et d'objectifs pour renverser le pouvoir. Donc les ratonnades, c'est aussi une façon de transformer le cortège funèbre, en une sorte de manifestation contre les autorités en semant le désordre dans la rue. Écrire l'histoire populaire et sensible de la guerre d'Algérie. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Malik Aral, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre une musique extraite d'un film documentaire comme La Pierre et la Pierre. Qu'est-ce qu'évoque cette musique ? Alors, il s'agit de Ahmed Wahbi, qui est un des grands chanteurs algériens oranais d'un style chaabi, et qu'on entend ici dans ce documentaire Comme la pierre est à la pierre, qui est un des documentaires de l'année 1962, créé par des organisations de secours, par la Croix-Rouge, par le Haut Commissariat aux réfugiés, pour essayer d'attirer l'attention sur la situation de crise dans laquelle se trouve l'Algérie en 1962, et le risque majeur qu'on a un peu, nous, historiens, oublié, parce que il ne s'est pas réalisé, parce qu'il y a d'autres urgences politiques en 1962, parce qu'il y a des événements très importants qui sont liés à la fin de guerre. Il y a les accords d'Évian le 19 mars, il y a l'indépendance de l'Algérie en juillet, il y a la création d'une Algérie, d'une république algérienne au mois de septembre. Mais donc, effectivement, ces organisations de secours, elles se préoccupent du fait que dans les transformations de 62, dans les déplacements de populations massifs, il y a un grand risque de famine, et elles tournent des images pour essayer d'appeler aux dons pour soutenir les campagnes qu'elles sont en train de mener, notamment vis-à-vis des réfugiés qui reviennent de Tunisie et du Maroc, et qui sont à peu près 300 000 en 1962 et qu'il faut soutenir. Malika Rahal, vous publiez Algérie 1962, une histoire populaire. C'est à la découverte. Et en écho à ce que nous expliquait Sylvie Thénault, qui a travaillé sur l'année 1956, vous êtes aussi dans cette démarche d'écriture d'une histoire populaire, au-delà de ces cadres que nous connaissons, européens, algériens, musulmans, colons. Comment écrit-on cette histoire ? Je rappelle juste que Malika Rahal, vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS et directrice de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. C'est vrai que le témoignage a été évoqué, il ne suffit pas, il y a le travail de l'historienne. Oui, tout à fait. Il faut utiliser ces sources un petit peu comme on utiliserait d'autres sources. Mais quand on travaille sur des sujets comme cela, on travaille aussi avec une bibliographie déjà existante. Dans le cas de ce livre, par exemple, je fais le choix d'une focalisation sur l'Algérie en 1962 parce que je peux me la permettre dans la mesure où il existe déjà d'autres travaux. Les travaux qui existent autour de l'année 1962 nous permettent, par exemple, de très bien connaître les expériences de certains qui quittent l'Algérie durant cette année. Sylvie les a évoquées tout à l'heure. Les Européens d'Algérie, dans leur majorité, quittent le pays en 1962. Ils sont peut-être 650 000 à partir durant l'année. Et on connaît, nous, surtout en France, on connaît très bien leurs histoires d'arrivée dans le pays, la difficulté de leur arrachement du pays où beaucoup d'entre eux sont nés. On commence aussi à connaître les histoires de personnes qui étaient jusqu'ici un peu moins bien connues, mais les histoires de certains Harki qui avaient travaillé du côté de la France, certains qui étaient engagés dans l'armée, mais d'autres qui avaient marqué leur soutien d'autres façons et qui ont pu partir d'Algérie pour gagner la France en 1962. On les connaît par des travaux plus récents. Et du coup, je prends le parti dans ce livre de me focaliser au contraire sur ceux qui restent en Algérie, et notamment sur la majorité qui est l'ancienne population colonisée, celle qui devient la population majoritaire du nouvel État-nation qui se crée en 1962. Donc travailler sur ces expériences, c'est travailler effectivement autant que possible avec des voies directes. Ça peut être des écrits, par exemple autobiographiques, des mémoires ou des autobiographies, ça peut être des entretiens. Alors moi j'ai utilisé des entretiens réalisés réalisés pour cette enquête, mais aussi des entretiens que j'avais réalisés dans le cadre d'autres enquêtes et où les gens avaient simplement commencé à me parler de ce qui se passait en 1962. Et puis aussi, plus généralement, partir en quête de tout ce qui va nous amener au plus près des expériences vécues. Donc il y a eu aussi un élément d'enquête mené pendant le Covid, hein, donc j'ai beaucoup utilisé des choses qui étaient disponibles en ligne, des vidéos que les gens avaient filmées à l'époque et qui pouvaient se retrouver en ligne aujourd'hui, et aussi par exemple des photographies personnelles. Elles sont pas très très nombreuses, mais de plus en plus avec les réseaux sociaux, les gens les partagent, et du coup, nous, ça nous donne un accès, même quand on est loin, même quand on ne peut pas mener d'enquête sur le terrain, ça nous donne des accès à des expériences, les moyens de communication d'aujourd'hui nous permettant pas les moyens de communication parfois même de c'est magnifique, vous avez prononcé ce nom de moyen de communication, et le moyen de communication nous lâche à ce moment-là. Malik Haral, nous allons vous retrouver dans quelques instants, parce que au moment de réfléchir à la manière d'écrire une histoire populaire et sensible de la guerre d'Algérie, la part de la mémoire et de tout ce qui est présent de cette guerre aujourd'hui encore s'impose. Paul-Max Morin, bonjour. Bonjour. Quel est votre démarche quand vous écrivez « Les jeunes et la guerre d'Algérie ». Déjà, de quels jeunes s'agit-il ? Alors, j'ai voulu faire le portrait d'une génération, en fait, qui est la génération des jeunes d'aujourd'hui. Ça correspond à la troisième génération depuis la fin de la guerre d'Algérie, en 1962. Et donc, ça comprend à la fois tous les jeunes français et françaises d'aujourd'hui, parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, héritiers et héritières de cette histoire qu'est l'histoire de la France, ou l'histoire algérienne de la France. Et plus particulièrement le portrait de ces descendants, donc qui ont grandi dans des familles qui ont été affectées par la guerre. Donc les descendants de toutes ces catégories coloniales dont on entend parler depuis tout à l'heure, que ça soit les descendants d'appelés, de pieds noirs, de harkis, d'immigrés algériens, de militants pour ou contre l'indépendance, et qui représentent en fait 39% des jeunes d'aujourd'hui qui ont entre 18 et 25 ans, donc c'est-à-dire un bon morceau de la jeunesse française qui a une relation du coup intime avec cette histoire-là. Cette relation intime est passionnante parce que dans cet ouvrage « Les jeunes et la guerre d'Algérie » publié aux Presses universitaires de France, vous apportez le témoignage. Il y a ce moment vécu qui est en fait une transmission de mémoire, une relecture de ce qui s'est passé et qui est extrêmement marqué par les destins, mais aussi par des cheminements sociaux, par des appartenances sociales. Nous le sentons, c'est presque prégnant des histoires différentes qui se racontent, qui sont pourtant la même histoire. Oui, exactement. Ces jeunes, ils ne représentent pas les catégories coloniales, mais ces catégories, donc ils ne vont pas parler au nom des pieds noirs, au nom des harkis, au nom de leurs grands-parents, ils ne vont pas raconter l'histoire de leur famille. Mais néanmoins, le parcours social et historique qu'ont traversé leurs familles continue d'avoir un impact sur leur vie d'aujourd'hui, que ça soit en termes politiques, identitaires ou simplement en termes de ce qu'on raconte dans la famille, en termes de récits familiaux. Et donc ces jeunes en fait nous racontent ce qu'il reste de cette histoire-là. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est pas forcément de connaître la vérité sur leurs histoires familiales, mais comment leurs histoires familiales et l'histoire collective en général continuent d'impacter leur manière de se définir et leur présence au monde finalement. Leur présence au monde, parce que il y a autant de narrations que de vécu, il y a la narration familiale, il n'y a pas que celle-là. Paul-Max Morin, c'est vrai que dans cette étude, c'est passionnant parce que combien 3000 Ah oui, on a fait une étude sur 3000 jeunes français. Donc c'est un échantillon représentatif, c'est un échantillon très large, c'est assez rare de pouvoir toucher autant de jeunes, auxquels on a posé 60 questions sur leur connaissance et leur représentation du passé, et essayer de faire des liens avec les questions politiques, pour voir si cela avait une influence sur leur comportement politique. Avez-vous entendu parler de la guerre d'Algérie par un professeur à l'école? 76% des jeunes ont coché cette case. Donc le travail, on le sait bien, remarquable, enfin de l'école pour la transmission, c'est important. Pour les témoins, c'est beaucoup moins, on a moins, mais nous sommes aujourd'hui en 2022, la temporalité fait qu'il y a peut-être moins de témoins. Sur Internet, 52% sur Internet. Mais là aussi, une fois que ce mot-là est dit, tout est possible derrière. Il y a toutes ces voies de transmission. Au moins avec les professeurs à l'école, on sait ce que c'est. Oui, exactement. Enfin, le Internet, ça avait été montré par d'autres historiens depuis les années 2000, a permis une grande remémoration, ou en tout cas à beaucoup de personnes de pouvoir partager leurs expériences. C'est devenu un lieu de mémoire, finalement, Internet, de la guerre d'Algérie. Donc les jeunes ont aussi bénéficié de ça, ont pu trouver des informations là-dessus. Mais c'est vrai que l'agent principal de transmission, aujourd'hui, c'est l'école, qui a fait, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire, un grand travail depuis les années 80 d'éducation de plusieurs générations, sur la guerre d'Algérie surtout, beaucoup moins sur l'histoire de la colonisation, on y reviendra peut-être. Et ce qui fait qu'en fait, les jeunes, finalement, ont du coup des connaissances et des représentations assez consensuelles de cette histoire-là, parce qu'ils sont toutes et tous passés par ce canal scolaire, et ce canal scolaire. Et donc c'est ça surtout qui détermine la manière dont il se représente le passé. Et dans votre enquête, justement, avez-vous entendu parler de la guerre d'Algérie par des œuvres de fiction, par exemple des romans, des films ou des bandes dessinées? Bien, seulement 32% de ceux qui ont répondu, de ces jeunes, évoquent les films. Ils n'ont pas vu, et c'est dommage peut-être pour la majorité, les Parapluies de Cherbourg. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman, que de te perdre. Nous nous marierons en cachette. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance, nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte. Extrait des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy en 1964. Et la France entière a des frissons. En tout cas, c'est le cas dans le studio du cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Grégory Varlon. Le cours de l'histoire, écrire une histoire populaire et sensible de la guerre d'Algérie. Malika Rahal, vous êtes à New York. Alors merci d'affronter non pas la distance pour communiquer, vous y êtes pour enseigner, mais surtout le décalage horaire. Merci vivement à vous. Nous entendons cet extrait des Parapluies de Cherbourg. Dans votre ouvrage Algérie 1962, une histoire populaire, pour une histoire d'une année, nous pourrions imaginer une chronologie très fine. Vous ne travaillez pas comme ça. 4 parties, violence, corps, espace, temps. Pourquoi ce choix ? Oh, parce que si on commençait à rentrer dans la chronologie, on allait se perdre dans des événements qui sont plutôt déjà bien connus. Hein, les événements comme, j'en parlais tout à l'heure, le cessez-le-feu, la période transitoire, l'accession à la souveraineté avec le transfert de souveraineté vers les autorités algériennes. Et que moi, ce qui me frappait plutôt, c'était ce qu'on ne savait pas et qui court à travers plusieurs périodes. Je me suis rendu compte qu'on ne savait par exemple rien de l'opération de rapatriement des réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc. Je me suis rendu compte qu'on ne savait pas grand-chose non plus de la façon dont les habitants qui avaient été mis dans des camps de concentration de population, qui représentent environ un quart de la population algérienne à la fin de la guerre, avaient pu sortir ou pas de ces camps en 1962. Par exemple, certains sont restés, d'autres les ont au contraire détruits immédiatement. D'autres enfin sont partis avec une partie des matériaux de construction des camps pour aller reconstruire leur village. Je me suis rendu compte qu'on savait pas grand-chose sur la façon dont les familles, par exemple, avaient recherché les corps des disparus à partir de 1962. Mais aussi dont les personnes avaient pu se représenter la temporalité de l'année, comment il y avait une sorte, en quelque sorte, d'intensification de l'attente au début de l'année 1962. On sait que les négociations sont en cours. On sait que les délégations se rencontrent à Évian. Et du côté de ceux qui espèrent l'indépendance, il y a une sorte d'effervescence et d'excitation à l'attente de cette fin de guerre qui correspond un peu en miroir inversé à l'attente très angoissée de ceux qui imaginent que l'indépendance va être la fin de leur monde colonial, hein, le monde colonial que décrivait Sylvie Thénault tout à l'heure, et donc pour eux la fin de leur monde véritablement. Et dans ce moment, la fin de ce monde colonial, il y a une réinvention du passé. C'est ce que vous expliquez, Malika Ral, dans ce chapitre passionnant. Le temps 1962, la temporalité change et dès le moment même précis de l'accord d'Évian, de l'indépendance, il y a une écriture de l'histoire pour s'adresser aux contemporains, bien sûr, mais au futur. L'histoire s'écrit dès le moment. Tout à fait. Et ce qui est très frappant, c'est que, alors même que la période transitoire est encore très violente, il y a la violence de l'organisation armée secrète, cette organisation qui cherche à défendre à toute force l'Algérie française jusqu'au bout, alors même que la guerre n'est pas encore terminée dans les faits. En réalité, il y a un grand effort immédiatement pour dire la guerre, c'est du passé, mais aussi la colonisation, c'est du passé. Et tous les instruments possibles d'écriture de l'histoire, que ce soit les narrations familiales ou que ce soit la republication légale de journaux algériens, contribuent à mettre en récit. Je prends un exemple. Dans les familles qui se retrouvent en 1962, les retrouvailles sont souvent très émues, très très douloureuses aussi, parce qu'on énumère qui a disparu, qui est mort. Mais tout en faisant ce travail-là aussi, on commence à se raconter la guerre qu'on a vécue séparément. Et bien sûr, hein, dans ce travail de récit, on arrange aussi l'histoire. Certains se mettent en avant, certains essaient de gommer certains aspects du passé récent. Mais en tout cas, il y a tout un travail d'invention du récit qui, plus tard, dans l'année, à partir de juillet, août, septembre, octobre, va aussi se marquer dans l'espace public avec le fait de changer les noms des rues, par exemple. De remplacer, que sais-je, les noms des généraux de l'occupation les généraux français de l'occupation du pays par les noms de héros de la guerre, qui visent encore une fois à marquer le récit dans l'espace public. Et en même temps, il y a une très grande projection dans le présent et l'avenir, puisqu'on est de façon très urgente en train de répondre à des nécessités immédiates, nourrir, éduquer, faire fonctionner l'État. Et donc tout un travail comme ça sur le temps pour se séparer du passé. Paul-Max Morin, ce travail sur le temps dès l'année 1962, vous le retrouvez dans votre étude sur les jeunes d'aujourd'hui quand il est question de la guerre d'Algérie? Ah bah bien sûr, hein, là ça fait des trois générations depuis 62, donc on fonctionne par empilement. La génération d'aujourd'hui, ils sont héritiers de tout ce qui a pu se passer en France depuis 62, à la fois dans leur famille, mais aussi dans l'historiographie, dans la culture populaire et en termes de politique de mémoire, parce que on entend souvent que la guerre d'Algérie est associée au silence, qu'elle serait occultée par les institutions, etc. On comprend avec ces jeunes qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué, qu'ils ont reçu énormément d'images et de représentations issues de ce passé-là, avec lesquelles ils se construisent finalement. Et la représentation aussi que j'ai voulu interroger était de savoir si vraiment ces mémoires étaient cloisonnées en fonction de ces catégories issues du monde colonial. Et si ce cloisonnement des mémoires donc se prolongeait dans les générations et serait susceptible de produire finalement des visions antagonistes ou différentes du passé en fonction des histoires familiales. En gros, si les descendants de pieds noirs ou descendants d'immigrés algériens avaient des représentations différentes ou pas du passé. Et en fait, on montre que si le fait d'avoir une histoire familiale a un impact important sur notamment sur l'intérêt, la curiosité que les jeunes vont avoir, ou même sur leur politisation, c'est des jeunes qui vont être plus politisés. Le regard sur le passé, par contre, c'est-à-dire le jugement qu'on va avoir sur la colonisation ou la guerre, c'est d'abord déterminé par la culture politique de la famille, par l'orientation politique. Donc les descendants de pieds noirs ou d'immigrés algériens peuvent partager une vision consensuelle, finalement, de critique de la colonisation, et qui vont aussi légitimer le combat pour l'indépendance. Par contre, les jeunes de gauche, de droite ou d'extrême droite auront bien des visions antagonistes du passé. Le clivage dans la société française, il est beaucoup plus là que dans un clivage mémoriel sur lequel on a beaucoup écrit, qu'on a beaucoup pensé, puisqu'on a longtemps parlé de guerre des mémoires qui fissurerait la société française et qui alimenterait des tensions identitaires qui sont ressorties dans les débats, notamment après les attentats. Paul-Max Morin, vous écrivez « La guerre des mémoires n'aura pas lieu dans la jeunesse française ». Donc déjà, c'est toujours intéressant quand l'étude donne des résultats qui pacifient un peu notre société. C'est essentiel, mais malgré tout, dans cette guerre des mémoires ou dans cette évocation du passé, il y a une volonté polémique. Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'or dur. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des emplois. Loin de l'inactivité beurre algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Le rappeur Medine, sa chanson 17 octobre qui évoque le 17 octobre 1961, un massacre, une répression d'une violence inouïe. Sylvie Thénault, dans un extrait comme ça, nous avons en fait de tout. Nous avons une transmission des faits du passé, noterait-ce que le 17 octobre 1961, cette répression violente par la police d'une manifestation d'Algériens qui demandent leur indépendance. Nous avons aussi une construction d'identité. C'est ça de faire une histoire complexe, populaire, c'est toucher en fait sans cesse le présent et le très sensible. C'est toucher le présent et le sensible, mais c'est aussi toucher le politique. Et je crois que dans la période où nous vivons, comme historienne, et c'est ce que j'essaye de faire avec mon livre, il y a un message très important que je voudrais faire passer. C'est qu'on voit bien aujourd'hui, on a bien identifié comment Vichy est une ressource politique pour l'extrême droite. On a beaucoup moins identifié comme l'Algérie française en constitue une, alors même que dans les biographies de certains hommes politiques, et en particulier candidats, voire candidates à la présidentielle, c'est déterminant à mon avis. Et je voudrais bien insister sur le fait que ce que je vais dire là est un propos d'historienne. Il y a un consensus sur la condamnation de Vichy, il n'y en a pas sur la colonisation. Mais une des choses que je voulais démontrer dans mon livre, c'est que quand on regarde la société coloniale, on n'a pas du tout un système équilibré. Alors on est parfois dans l'injonction à l'objectivité qui voudrait que si nous constatons une société pleine d'injustices, et je vois une société de la ségrégation, nous devrions rééquilibrer pour être objectifs. Je partage absolument pas ce point de vue que je trouve même à vrai dire absurde. Lorsque j'étudie la société coloniale algérienne, je vois une société, comme je vous l'ai dit, qui ne peut fonctionner que sur l'infériorisation permanente des musulmans, qu'on appelait musulmans pour leur nier le droit à la nation. Et il me semble qu'il n'y a là pas du tout un système que l'on pourrait compenser par quelques aspects positifs, si tant est qu'ils existaient, parce que l'Algérie n'était pas développée en 1954. Bref, je crois que, au point de vue moral, la société française et la culture politique française gagneraient à se dégager de ce mythe de cette Algérie française qui aurait apporté les bienfaits et de regarder cette société pour ce qu'elle était et que nous devrions construire collectivement un consensus sur la condamnation de la colonisation comme il s'en est construit un autour de Vichy, parce que, y compris dans le présent, ça peut être des barrières politiques efficaces. Sylvie Thénault, vous êtes directrice de recherche au CNRS et à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous étiez dans le jury de thèse de Paul-Max Morin. Et Paul-Max Morin, dans votre étude chez les jeunes, moi j'ai été surpris, hein, parce que vous posez toute la question de la colonisation et on retrouve en fait tous les clichés, stéréotypes, tout ce qu'il faut avec la colonisation était bienfaitrice. C'est-à-dire que ces fractures dans le débat, dans la discussion, sont présentes également chez les jeunes. Oui, c'est un travail qui n'a pas été fait, en fait, cette clarification de notre rapport moral et politique à la colonisation. Donc, il y a l'idéologie coloniale, finalement, a jamais été déconstruite de manière active. Il y a eu, bien sûr, avec le temps ou avec la culture populaire, des éléments qui permettent de transformer les imaginaires, de les modifier, mais il n'y a pas eu de volonté politique, de discours politique ou même une politique publique qui viendrait accompagner la déconstruction de cette idéologie. Et c'est pour ça, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a une forme d'apaisement, c'est vrai, mais il reste quand même des choses assez conflictuelles dans la société française, y compris chez les jeunes. Simplement, le conflit, il n'est pas là où on pensait. Il n'est pas entre les familles, il est par contre dans le secteur politique où il y a encore aujourd'hui une forme d'idéologie coloniale modernisée, très active dans l'extrême droite française et une partie de la droite, y compris chez les jeunes, et qui fonctionne en trois temps, qui vise d'abord à refuser le travail critique sur la colonisation, parce que c'est très lié à l'identité nationale finalement, qui continue à porter des discours stigmatisant les immigrés, les descendants ou les Algériens, de façon qu'ils sont enfermés dans un même ensemble uniforme, et qui développe un discours victimaire sur le fait que les Français seraient, et la France seraient assiégés identitairement et même physiquement par les immigrés. Et ça c'est le fait d'une minorité, mais ça a beaucoup de résonance avec un fort potentiel de violence. Et l'autre conflictualité, c'est la question du racisme et de l'antisémitisme, qui sont en fait des conséquences de la colonisation en partie et qui continuent de pourrir la vie de beaucoup de jeunes. Sylvie Thénault. Oui, je voudrais vous faire remarquer, peut-être aussi aux auditeurs, que de façon très significative, vous avez choisi un extrait du rapport du rappeur Médine pour nous amener effectivement sur le terrain de l'idée que l'identité, elle est utilisée du côté des descendants d'Algériens. Et vous avez remarqué que Paul et moi, nous vous avons répondu sur les autres identitaires. Et vraiment, moi, je suis très frappée, moi qui m'intéresse à ces questions depuis très longtemps, par le fait qu'aujourd'hui, il y a un renvoi dos à dos de groupes identitaires, donc il faudrait peut-être moins en parler, alors qu'en fait, là où aujourd'hui, dans la culture politique française, il y a un danger pour la démocratie, moi, il me semble qu'il est clairement d'un côté et pas de l'autre. Malika Rahal, dites-nous, apaisez-nous, le travail des historiens, des historiennes contribue à régler ces questions, à apporter des éléments dans le débat. L'historien, l'historienne ne règle rien en vérité, mais il apporte de quoi alimenter le débat. Oui, tout à fait. Et par exemple, de montrer comment, pour faire écho à ce que viennent de dire mes deux collègues, comment par exemple la signification d'un événement, la signification de 62 comme indépendance, plus généralement la signification des décolonisations des anciens pays colonisés, peut se comprendre plutôt comme la fin d'un régime d'exploitation et d'oppression, sans pour autant devoir nier certains vécus de témoins ou certains vécus d'acteurs. Nous, comme historiens, on est capable à la fois de tenir cette idée que les indépendances et la décolonisation étaient plutôt un phénomène positif dans l'histoire, et malgré tout d'intégrer l'ensemble des histoires, y compris lorsqu'elles sont douloureuses ou tragiques, sans se sentir obligé de condamner l'une ou l'autre des parties. Nous, on est capable de le faire comme historien, on est capable de le faire dans des conférences, dans des enseignements, de trouver les solutions pour parler d'histoire sans que personne ne se sente exclu, mais sans pour autant la